الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البرية كما عم الخليقة ضوء الشمس والقمر. أما بعد، فلقد رأينا في الدرس الأول أن الدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم القربات التي يمن الله بها تعالى على خاصة عباده من أتباع المرسلين، ولسيما من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورأينا فضل الدعوة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. والآن سوف نرى موضوع هو تطبيق عملي لما رأينا في الدرس الأول أو المداخلة الأولى، وهو الدعوة إلى الله جل وعلا داخل الأسرة المسلمة. بطريقة أخرى، عنوان المحاضرة كن داعيا في بيتك. ولكن قبل هذا أود أن أقول لإخواني اصبروا وصابروا، فلا شك أن الوقت قد يطول، لأن الإنسان قد يتعب وقد يجوع وقد يعطش، ولكن اصبروا وصابروا. فكثير من الأخوة دائما يطلب، يقول ليس هناك دروس وليس هناك علم وليس هناك ترجمة، فلما تأتي الدروس يتعب من الدرس الأول. والسلف كانوا ربما سافر الرجل شهرا لحديث واحد. مثال: جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه سافر إلى مصر لطلب حديث واحد من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وحديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. إذن السلف كانوا من أكثر الناس جدا واجتهادا في طلب العلم، فلما يأتي الإنسان يوم واحد عليه أن يصبر. ليس كل السنة هكذا، والإنسان الذي لا يصبر يوما على طلب العلم فلا يتعب نفسه للذهاب إلى المشايخ. فإذا لم يصبر على درس أو درسين فلن يصبر على طلب العلم مع المشايخ ليلا ونهارا، لا سيما في بعض المناطق. وكثير من الناس يتمنى ويقول أسأل الله أن يمن علي بطلب العلم، فلما تأتيه فرصة حتى تذكر بين الإخوة لا يصبر. لا، يلزم الإنسان أن يصبر ويصابر ويقول هو يوم ويمر، ولما ترى العاقبة تقول يهون كل ما كبده الإنسان من تعب وعنى. دونك j'ai dit en fait ce matin on a parlé de la da'wa en général et spécifiquement on a parlé de la da'wa des messagers et des prophètes alayhim salatu wassalam. Et on a dit que Allah il aime et agré la da'wa pour sa voix. Et on a cité des hadiths et des versets qui parle de l'importance de l'appel à la voix d'Allah Ta'ala. Et là aujourd'hui on va parler plus spécifiquement de la da'wa envers sa famille. Et on peut appeler le titre de la du cours « Sois un prédicateur chez toi ». Walakin, j'ai rappelé que pour les frères qui se fatiguent, et on sait que déjà pour une journée où il y a 6 cours, c'est vrai c'est assez dense. Walakin, vu que ça ne répète pas tous les jours, on patiente. Usbiru wa sabiru. Il n'y a pas de problème, c'est pas tous les jours. Hada. Donc, pour patienter une journée, et Allah Jalla wa Ala vous donnera la récompense, Inch'Allah. Walakin, juste pour soulager certains frères qui se fatiguent, quand ils savent la récompense à la fin, ils disent Yahoun. Il n'y a pas de problème, je patiente. Et quand je sais qu'Allah il prépare pour celui qui vient apprendre une science ou l'enseigner dans une mosquée ou autre, on a parlé tout à l'heure de la récompense, on dit il n'y a pas de problème, si je me fatigue une heure, une journée, par rapport à la récompense c'est rien du tout. Et comme j'ai dit, Salaf rahimahumullah, ils avaient beaucoup d'endurance dans la science car ils ont compris le message. طيب انا pour l'akh qui je sais pas l'akh ces vidéos ou la h لا يا أخي جزاك الله خير بارك الله فيك. بارك donc j'ai dit que salaf ils avaient beaucoup d'endurance dans talab al-ilm et j'ai cité l'exemple Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui a voyagé un mois en entier pour aller en Égypte chercher un seul hadith. Inch'Allah ils jouent inch'Allah ils jouent inch'Allah donc ils voyagent un mois juste pour un seul hadith. Nous on vient pour il y aura peut-être quelques dizaines de hadiths et de versets qui sont cités, authentiques, donc le temps de patienter, Allah Jalla wa Ala vous donnera la récompense. طيب أعود إلى الموضوع وهو كن داعيا في بيتك يقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. donc الله تعالى يجي ô vous qui avez cru, préservez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Et bien Allah Ta'ala a dit قو أنفسكم وأهليكم لأن لو الإنسان رأى ابنه يسقط في هو أو في بئر ربما لقال ابني سيسقط, لكن لما يرى ابنه ويرى زوجته تسقط في هوات المعاصي والذنوب وربما الشرك والضلال والعياذ بالله لا يحرك ساكنا, وهذا لا شك من الخلل بمكان, وهو حب مزيف. وإن زعم أنه يحبهم لأن لو كان يحب أهله لا حماهم من العذاب الأليم من نار وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله لحما أهله من هذا العذاب المهين. donc celui qui aime sa famille, qui aime ses enfants, qui aime sa femme, qui aime ses parents, la première chose qu'il doit faire, c'est essayer de préserver bien sûr son âme en premier, son nefs. Après, il faut qu'il commence par sa famille. Là, si tu aimes quelqu'un, tu lui souhaites le paradis. Voilà que le paradis, le bateau, il marche pas sur la terre. Là, il faut bien de l'eau. Donc, kif. On aime bien préserver nos âmes, nos personnes et nos familles, mais il faut faire les causes. Les gens, ils aiment bien dire, ouais, moi je veux bien que toute ma famille soit au paradis. Voilà que si tu ne bouges pas, comment ils vont rentrer? La bouddha min al-ashbab. قال الشعدي رحمه الله تعالى ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإحياء نعم وإجبارهم على أمر الله. donc الشعدي رحمه الله تعالى dans son exégèse, le Coran, tafsir, قال et le fait de préserver sa famille, la femme surtout et les enfants, il a dit de les éduquer et de leur montrer leur religion et de les obliger de suivre les ordres d'Allah Jalla wa Ala. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر وكل الناس يعرف الحديث ولكن من الناس من كما قال فيهم جل وعلا صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كل الناس ربما تقرأ الحديث وتقرأ أسماعها كل يوم أحاديث في الحث على حماية النفس وحماية الأهل, ولكن والعياذ بالله كثير من الناس قلبه قاسي, يسمع ولكن لا يؤثر فيه, يسمع ولا يتغير شيء, يسمع ولا يرعي سمعه الحقيقة, وهو في الحقيقة لم يسمع, لأن الذي يسمع هو الذي يعي ويطبق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرئا سمع مقالتي ثم حفظ ثم وعاها ثم حفظها ثم بلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. لا يكفي السمع, لكن لا بد كما ذكر الأخ جزاه الله خير في الدرس الثاني قال لا بد من الانقياد, وحتى لفظ الإيمان هو التصديق المستلزم للانقياد, لا بد من العمل. أما مجرد السمع وربما تكرار الأحاديث فهذا لا شك لا يجدي, بل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك, العلم إذا لم تعمل به كان ضدك, وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. الإنسان ليس صعب أن يسمع الحق, لكن أن ينقاد إلى الحق ويدعو إلى الحق ويكون صابرا على هذا الحق, هذا فضل يمن به جل وعلا على من شاء من عباده. donc حديث ابن عمر كلكم راع، كل الناس تعرف الحديث، وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ذكر والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. دونك vous êtes, نبي صلى الله عليه وسلم il a dit comme dans les deux authentiques البخاري ومسلم لحديث ابن عمر قال vous êtes tous des bergers et chacun de vous est responsable de son troupeau. L'homme est un berger au sein de sa famille et la femme est bergère au sein de la maison de son mari et pour ses enfants. Donc tout le monde est responsable. Et pour celui qui n'est pas marié, il a ses parents, il a ses frères, il a ses sœurs, il a ses amis. Donc personne ne peut dire moi j'ai personne, impossible. Impossible. Ton voisin. Donc c'est un devoir que tout le monde doit le comprendre et tout le monde doit se soumettre à cette vérité. ولا شك ولا ريب أن وهذا لا شك حقيقة لا ينكرها إلا مكابر الحقيقة أن خاصة في فرنسا ولا أقول خاصة في فرنسا في كثير من البلدان إما في الغرب أو في الشرق لكن الغالب في الغرب كثرت مشاكل الطلاق وكثرت المشاكل العائلية بين الزوج وزوجه وبين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين المرأة وأبنائها وبين الرجل وإخوانه وبين المرأة وجيرانها. هذا كل مشاكل ليش؟ من الخلل في المنهج، من الخلل في نشر الخير، من الخلل في دعوة بعضهم بعض إلى الله. لا نتكلم عن الفساق أو لا نتكلم عن الأشخاص البعيدين عن الدين، لا نتكلم عن الذين يحملون راية السنة ويتكلمون باسم الإسلام وباسم السنة، تجد والعياذ بالله خللا في المنهج مع العائلة. ربما تجد أن هذا الشخص ما شاء الله لما ينصح غيره يكون ما شاء الله علامة فهامة، ولكن لما تجد في بيته لا تجد أن يربي أولاده ولا تجد أن ينصح زوجته ولا يبدأ لا بأبيه ولا بأمه، وهذا لا شك من الخلل. والله جل شأنه يقول وأنذر عشيرتك إيش الأقربين، والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة كما في الصحيح، قال يا فاطمة بنت محمد شليني من مالي ما شئت ولكن بالنسبة ليوم القيامة لا أغني عنك من الله شيئا. بدأ بابنته فاطمة عليه الصلاة والسلام، وبدأ بعمته صفية رضي الله عنها، وبدأ بأعمامه، وبدأ بأهل عشيرته. ولا شك أن هذا هو المنهج القويم، أن الإنسان يبدأ بالأقرب فالأقرب أقرب بدءا بنفسه لا شك. دونك لام dans sa da'wa il faut qu'on commence bien sûr par lui-même qu'il essaye d'éduquer déjà s'éduquer lui-même. Et après, il faut qu'il commence par les plus proches. Et ainsi de suite, ça se propage. Walakin, ça ne sert à rien d'aller voir les autres alors que ta famille, tu n'as pas fait d'efforts avec eux. Ce qui est demandé, ce n'est pas de guider, c'est Allah qui guide. Lakin, toi, tu fais les causes. Mais on parle de ceux qui n'arrêtent pas de transmettre les messages aux autres. En contrepartie, ils ne font aucun effort avec leur famille. هذا من الخلل. À tel point que certaines personnes ils détestent le manhaj, ils détestent da'wat ahl sunnah, ils disent regardez avec leurs femmes et leurs enfants comment ils sont. C'est un problème. L'anak inta tumathil le manhaj. C'est pas une personne, là c'est une voix. Malheureusement, l'asaf, les gens ils jugent les personnes. Pas de min al khata, l'anna l'homme il faut qu'il connaisse le haqq. Et après il voit les hommes. Mais là que les gens, subhanallah, ils sont trop attachés aux personnes. Dès qu'il voit un problème chez quelqu'un qui se prétend suivre le manhaj de Ahl Sunna, tout de suite, il déteste le haqq. C'est la chèque min al khalal. Mais nous, on ne parle pas de ceux qui regardent, on parle de ceux qui présentent هذا الحق. Donc, l'insan, عليه أن يبدأ بأهله. يبدأ بأهله. فكما قلنا لو كان حبك صادقا لأهلك لبدأت بهم في الدعوة مشفقا عليهم طالبا من الله جل وعلا وداعيا أن يهديك وإياهم أن يحشرك معهم في الجنة. هذا هو المنى سبحان الله. من الذي لا يحب أن يرى أبناءه، يعني يرى نفسه وأبناءه وزوجه وأهله معه في الجنة، من الذي يقول لا؟ كل الناس تقول نعم، ولكن ترجو النجاة ولم تسلك مشالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابسية. دونك tout le monde souhaite que Allah les rentre au paradis ainsi que leur famille et tous leurs proches. Mais ça ne suffit pas de souhaiter, il faut passer à la pratique, il faut passer à l'acte. Et justement, dans ce cours qu'on a tiré de quelques livres, ils n'ont fait que transmettre, ce n'est pas mes idées à moi, certaines personnes, jazakumullahu khair, prédicateurs ou ulama, ils donnent parfois des moyens accessibles à tout le monde pour transmettre le message à sa famille. Certaines personnes, ils n'ont pas beaucoup d'idées, donc inchallah, on va parler de quelques exemples, et on va parler de nos pieux prédécesseurs, comment ils étaient. Allah wa asha, peut-être ça va nous faire un exemple à suivre, et ça va peut-être nous faciliter la suite pour continuer de prêcher la da'wa à nos familles. Waffaq Allah al-jami'a. أولا يلزم الإنسان يعلم أن من أسباب قبول الدعوة إخوة قدموا شوية جزاكم الله خير أبوصي يا إخوة إذن قل أن من أسباب قبول الدعوة أن الإنسان أولا يكون مخلص في الدعوة، لأن لو الإنسان كان غير مخلص إن لم يفضح في البداية سوف يفضح في النهاية. ولا تكذب على نفسك، كل منا يعلم أنه مخلص أم لا، فلا تطلب من الناس أن تقتدي بك وتكون إماما تهدي غيرك، بدءا بأهلك، كل على حسبه. لا نقول إمام يكون عالم، ياريت، لكن مش كل الناس يكون علماء ربما، لكن نحكو على الدعوة في بيتك، كل على حسب قدره. إذن إن لم تكن خالص مخلص لله جل وعلا لن تكون دعوتك نافعة، لأنك طلبت الأجر في الدنيا نلته خلاص. لهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بداية شرح الأربعين للذي سمع الشرح أو قرأه مكتوبا مفرغ قال: من أكثر الكتب انتشارا كتاب رياض الصالحين للإمام العلامة شرف الدين يحيى النووي. قال لماذا الشيخ ابن عثيمين؟ هذا والله أعلم، لأن الله أعلم بالسرائر، والله أعلم من إخلاصه رحمه الله. لما أخلص دين وهو مات عمره 45 سنة أعزب لم يتزوج رحمه الله وغفر له، هذا من إخلاصه رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين، لأن لما كان مخلص سبحان الله كيف دعوة انتشرت. لهذا السلف قالوا: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن لم يحب أن يذكر ذكر. من طلب الشهرة لم ينالها، لكن من السلف من لم يطلب الشهرة وجاءته سبحان الله، لأن كان خالصا لله جل وعلا. donc parmi les premières choses qui facilite que les gens acceptent ton message, ta da'wa, c'est l'ikhlas. Et on a parlé tout à l'heure de l'ikhlas. ولكن فذكرنا الذكر تنفع المؤمنين. Le fait que l'homme soit sincère dans sa da'wa. Et justement, Cheikh Ibn Athaymin, rahimahullah, il a cité l'exemple de Nawawi, rahimahullah. Son livre Riyad al-Salihin, il est 40 Nawawi, tu le trouves partout, subhanallah. Tout le monde aime ses livres. لماذا؟ قال والله أعلم. Ça prouve bien que cet homme-là était sincère. شوف كما الله تعالى il a propagé sa science. Tous les jours on parle قال النووي قال دو شكو براتيكمون. ليش؟ لأن كان خالص. ذاك ما نطلب له، والله أعلم بالشرائر ورحمه الله. Donc il faut être sincère dans sa da'wa. لأن comme j'ai dit tout à l'heure, si t'es pas sincère, peut-être ça dure à court terme, ولكن à long terme ça va pas durer. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ياك لبا سوليد كي غاست. Il n'y a pas une base plus solide que l'ikhlas et le fait de vouer le culte exclusivement pour Allah Jalla Sha'nuhu. Thaniyan, al-amalu bil-ilm. La yadhun dhan anna l'insan tanjah da'watuhu ma'a ahlih wa ma'a aqaribihi il lam yakun huwa qudwatan bilisani halihi kama kana qudwatan bilisani maqalihi. Wa rabbama ad-da'wa kanat bilisani al-hal أبلغ من الدعوة بلسان المقال. Donc, la deuxième chose, c'est que l'homme, il faut qu'il fasse l'exemple. Il faut qu'il fasse la da'wa avec ses actes. Les paroles et les actes. Mais le problème, les gens ils tombent dans le proverbe qui est grave, l'haqiqa. Faites ce que je... Quoi? Faites ce que je dis, mais ne faites pas surtout ce que je fais. Voilà, c'est grave. Et toi, tu redonnes le bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mal. C'est pas dur. Mais ton fils... Ta femme voit l'exemple en toi. Si toi tu dis une chose, tu la contredis, dis, ah, ce qu'il dit, ce qu'il a dit, ça ne tient pas debout. Lui, le premier qui nous a transmis cette science, cette voie, lui, il n'est pas stable sur cette voie. Il se contredit. Donc pour moi, ce n'est pas un exemple. Et comme il a rappelé le frère, beaucoup de personnes sont rentrées dans l'islam rien qu'avec l'exemple qu'est donné le musulman. Walakin, subhanallah, ma ashal al-qawl. Qu'est-ce que c'est facile de parler? Salaf, il parlait moins. Voilà qu'il pratiquait plus. Là, subhanallah, dans beaucoup de personnes, c'est le contraire. La shak anna l'insan yakun da'iya bilisani qalihi walisani hali. Ismin. Transmets la science et essaye de la pratiquer. Car, pas tout le monde qui comprend ce que tu dis. Voilà qu'on voyait l'exemple, c'est très parlant, comme ils disent. Wa sadaqa. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai rapporté tout à l'heure le hadith, que les trois premiers qui rentrent en enfer. Tout le monde le connaît. On ne va pas revenir dessus. Wa sadaqa Abu al-Aswad al-Du'ali qal, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. A'arun alayka idha fa'alta azimu. Fabda' bi nafsika fanhaha an ghiyiha. Fa'idha intahat anhu fa'anta hakimu. Hunaka yuqbalu. In wa'azta wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'u ta'limu. La bonne exhortation, quand tu fais l'exemple, elle passe. Voilà que si tu ne fais pas le bon exemple, même si ce que tu as dit est vrai, on parle là pour l'instant sur la science qui est vraie. On ne parle pas de ceux qui mentent sur Allah et son messager. Là, on parle de ceux qui transmettent une vraie science. Voilà qu'en même temps, ils ne donnent pas l'exemple. Tu ne reproches pas aux gens après qu'ils ne prennent pas ce que tu dis. Rien ne t'ukhalif ma qult. Kif turid nas, Allah t'ukhalif ma qult. Toi-même, tu te contredis. Comment tu veux que les gens ils suivent ce que tu dis, wal'iyadu billah? أيضا من الأمثلة على ذلك مثلا لما الإنسان يقول لابنه قم الليل قم الليل ولكن الإبن لا يرى أباه مرة يقوم الليل يقول لك هذا في خلل le père il arrête pas de dire à son fils par exemple n'oublie pas la prière nocturne en même temps le père il fait le fajr il la néglige comment tu veux que le fils parfois il suit. Comment tu dis que ton fils pratique ce que tu as dit alors que toi-même tu as du mal à pratiquer? وصدق الشافعي رحمه الله تعالى قال ليس الفقيه ليس الفقيه بنطقه لان الفقيه هو الفقيه بفعله ليس الفقيه بنطقه ومقاله كما يقول السلف علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في فعله. الشافعي dit الفقيه. Le savant, c'est le savant avec les pratiques. Et le savant, ce n'est pas le savant avec les paroles. Parler, c'est pas dur. Et salaf, ils disent, la science de l'hypocrite dans ses paroles. Et la science du croyant dans ses actes. Et celui qui veut voir plus de détails, qu'il lise Kitab Iqtida al-Ilm al-Amal al-Khatib al-Baghdadi bi-Tahqiq al-Albani. Il a ramené beaucoup de paroles du salaf. Taïb. Donc j'ai dit, celui qui veut revenir à plus de détails sur ce sujet, la pratique de la science, qu'il lise Kitab en arabe, hein, Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, qui s'appelle, yani, que la science elle conduit à la pratique, et qui est authentifié par notre Cheikh al-Albani, rahimahullah. Awalan, da'watu al-rajuli li-abna'ihi. Fa kama qulna, qu'u anfusakum wa ahlikum nara. من أسباب نجاح الدعوة مع الأبناء أن الإنسان أولا يختار الزوجة الصالحة والزوجة تختار الزوج الصالح فهذا لا شك أفضل ما تقدم لابنك هو أن تختار له أما صالحة. Donc la première chose que tu peux faire à ton fils déjà de choisir sa mère avant de te marier. Choisis bien ta femme. il faut que la femme aussi qu'elle choisisse son mari. تنكح المرأة لأربع ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. في الحديث الآخر إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وفي رواية وخلقه فأنكحوه. مغيفو أي سلكي على religion. هذا le bon conseil. Après inshallah t'inquiète pour la progéniture, يعني pour la descendance. بإذن الله elle va venir. لأن إذا كان الأصل طيب يسهل عليك تربية الأبناء. لكن pour celui qui a par exemple connu la nef, je veux pas que les frères y tombent dans le qui désespère. Là, pour celui qui s'est marié par exemple, il a fait un mauvais choix, il n'y a pas de problème. Allah Jalla wa Ala, il est miséricordieux envers ses créatures. Tout se répare, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Toute personne a pu accepter le haq. Il ne faut pas se dire non, moi je n'ai pas choisi dès le début, c'est khalas. J'ai tout perdu. La khata. Il faut faire l'effort avec sa famille, tu sais pas, peut-être elle sera, elle te dépassera dans la science. Wabah. Donc, il faut pas que les frères comprennent mal ce que j'ai dit. Tant mieux si on a choisi dès le début la femme, ولكن si on a du mal, bi'idhnillah, on continue. Fasbiru wa sabiru, et comme j'ai dit tout à l'heure, la da'wa jusqu'à la dernière minute. Thaniyan, min al-asbab allati tushajji' al-abna iqamat maktaba fil bayt. على الإنسان أن يؤسس مكتبة لأبنائه ولزوجته، مكتبة علمية حتى ابنك من الصغر يغرم بالمطالعة، وهذا لا شك لما الابن يرى الأب دائما الاجتهاد بقراءة القرآن وتدبر معانيه وقراءة الحديث وتفسير الحديث أو الشرح وقراءة كتب العقيدة، ويرى الأب منكب على أشرطة أهل العلم وبسؤال أهل الفضل والعلم، فلا شك أن الابن يتأثر، لأن كما يقال ذاك الشبل من ذاك الأسد. الابن يتأثر بدعوة أبيه لما يرى الأب مثابر على العلم مجتهد، كل ما وجد فراغا لا يفارق مكتبته، فيقول الابن الله أكبر، الظاهر أن هذا هو الحق. Donc, parmi les choses qui aident, ce sont que des exemples en fait, hein. Le fait d'avoir une maktaba chez soi, avoir une bibliothèque. Si on a les moyens, bien sûr, chacun ses capacités, Allah ne charge pas une âme plus qu'elle supporte. Avoir une maktaba pour son fils et sa femme. Au lieu de remplir la maison par autre chose inutile, le temps de faire une maktaba. Ton fils, dès qu'il naît, il voit son père, subhanallah, dès qu'il a le temps, aime le Coran, ou le tafsir, ou le hadith, son explication, kutub al-aqida, kutub al-fiqh, ashritat ahl al-ilm, ainsi de suite. Donc déjà ça, déjà tu donnes à ton fils un bon départ dès le début. وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربه، وكذلك يشب ناشئ الفتيان منا على مثل ما عوده أبوه. وما دام الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربه. C'est qui apprend le dîn à ton fils? C'est toi, c'est sa mère. Donc le temps de commencer par ce genre de choses qui incite ta descendance dès le début qu'elle prenne un bon départ. طيب. من الأشياء المهمة في البيت أن الإنسان يشارك ابنه في الطاعة. لما الأب يستيقظ لصلاة الفجر لا يترك أبناءه نائمين، حتى أن والعياذ بالله بعض الأمهات الغير صالحات لما يأتي الأب يأخذ الابن إلى المسجد أو يقيم صلاة الفجر تقول له يا أخي اتق الله ما زال صغيرا، تقول له مازال نام ساعة أو اثنين أو كذا، تقول له خليه يرتاح ويقوم ربما الابن على منتصف النهار والعياذ بالله. إذن الأم من البداية صدت الدعوة، ثم لما ابنها ينحرف تقول يا ليتني فعلت كذا وكذا وقد فات الفوت خلاص. Donc parmi les choses c'est de faire participer son fils dans l'obéissance. C'est grave que le père il se lève pour aller à Salat al-Fajr par exemple, qui est la plus dure généralement, il laisse ses fils dormir. Subhanallah. Qu'on la clashe, il se repose. Quel repos? Il n'y a pas de repos fait de bien. Si le repos en laissant le droit d'Allah Jalla wa Ala, c'est de la fatigue en quelque sorte. Et tu vas savoir après. C'est de la fatigue. Après, il demande que son fils fasse salat. Subhanallah. Il y a pas de taoud ibnak min al-sughar. Nabi sallam, il s'adresse à Ibn Omar, il était jeune. Qala Abdullah rajulun salih. Law kana yaqumu al-layl. Nabi sallam, il a donné un compliment en quelque sorte. Tajkiya. Ibn Omar. Qala Ibn Omar. Qala Abdullah, c'est un homme pieux. Mais s'il fait qiyam al-layl. Sauf comment il a transmis son message, alayhi salatu wa salam. Alayhi salatu wa salam. Donc le Nabi sallam il a pas dit non, Ibn Omar il est jeune. Il était jeune à cette époque là. Mais le Nabi sallam il a pas dit non, il est fatigué, il est jeune, laisse-le. C'est pas salat al-fajr, qiyam al-layl. Ibn Omar il l'a pas laissé depuis. Donc si la femme elle fait ça, il ne faut pas que le père accepte. Ici bien sûr le père il fait ça, il ne faut pas que la mère accepte. Dès le début, il faut que la descendance prenne un bon départ. Aïvan, bina al-asbab al-jayida fi da'wat al-abna, an al-ab yusalli ma'a abnihi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam salla ma'a man? Ma'a Anas, ma'a Ibn Abbas, wa ghayrihi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam salla ma'a Anas wa ghulam, wa salla ma'a Ibn Abbas wa ghulam. وحوله على يمينه وقال فخر الصلاة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل حتى صار ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه والحديث الصحيح. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a bien prié avec Anas ibn Abbas, la prière nocturne chez lui alors qu'ils étaient très jeunes رضي الله عنهم. Et à la fin, النبي صلى الله عليه وسلم dit à Ibn Abbas, اللهم فاس qu'il soit faqih, يعني un savant, et apprend lui le Ta'wil, yani tafsir. Et évidemment, il est devenu le plus grand mufassir des compagnons, radiyallahu anhu. C'est la da'wah du Nabi sallam. Le Nabi sallam, il n'a pas dit, non, toi, tu es jeune, reste chez toi. Moi, je priais avec Abu Bakr et Omar. Là, il les a priés avec eux. La salat. Aïdan, min al-asbab, huwa, an al-insan, yastafid min al-wasa'il al-da'awiyyah. إن صح التعبير الدعوية. لما الإنسان يشتغل 8 ساعات وينام 8 ساعات كم بقي في النهار؟ 8. نقول يبقى 6 ساعات في البيت شاغل ما عنده حتى شيء كما نقول. إذا هو الإنسان بقي في بيتي مثلا 4 ساعات فيهم 3 ساعات تلفاز، ما الذي بقي مع ابنك؟ ساعة في الساعة هاته هو يكون في الهاتف خلاص. إذن 24 ساعة ابنك ما عندك ما حتى علاقة. إذن la journée c'est 24 heures. Qu'est-ce qui tu restes au moment avec ton fils? Tu travailles خلاص, on va dire quelques heures. Si tu as, il y en a 3 heures qui partent pour la télé, qu'est-ce qui reste avec ton fils? Rien du tout, rien du tout. Et même si ça reste 1 heure, à cette heure-là, lui, il sera en téléphone. Donc, ce qui fait, il n'y aura rien du tout à la fin. Donc, هذا والعياذ بالله من الخلل. Il y en a, en France, il y a un virus. C'est le fait, والعياذ بالله. Je ne dis pas qu'en France. Mais nous, on parle de ce qu'on vit, nous. Il y a un virus, والعياذ بالله. Excusez-moi, si je veux parler assez dur sur ce point-là, لأن والله العظيم نصيحة من مشفق وأخر لكم معواني. C'est un conseil de mon cœur. والله وبالله وطالله. Ce qu'on perd devant la télé, والله c'est énorme. Si on le passe à même un kitab, Allah جل وعلا, on va l'apprendre au Coran en un temps très court. Si on le passe avec sa famille, والله il y aura une descendance agréable. بإذن الله ولكن والعياذ بالله لطي باس بغيان والذي يقوم بهذا لا يعلم حقيقة الوقت والله تعالى أقسم بالوقت فقال والعصر على التفسير الصحيح الله يجري par le temps tellement c'est important tout ce qu'on fait c'est le temps en fait, c'est dans le temps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que les deux choses sont très importantes pour les gens. Deux choses dont les gens ne profitent pas. C'est quoi? C'est la santé et le temps, rapporté par le Bukhari, hadith ibn Abbas. Si déjà toi, le temps tu le passes dans des choses inutiles, qu'est-ce qui reste? Les salafs ils disent Al-ayyamu thalatha. Yawm al-madha, falan ya'ud abadan. ويوم غد لا تدري أنك مدركه ويومك اليوم فاغتنمه. Les jours ils sont trois, il n'y en a pas quatre, il y a trois jours. Un jour qui est passé, il ne reviendra jamais. Tu le souhaites jour et nuit, il ne va pas revenir. Le jour de demain, tu ne sais pas si tu vas vivre. Et le jour d'aujourd'hui, donc, profite-en. وصح. لكن les gens, subhanallah, الأماني والتمني. Et je veux faire, on va faire. Dans le plan, dans le programme, et à la fin, il n'y a rien de tout. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Il ne reviendra jamais. C'est ça le problème. Si c'est garanti de revenir, tant mieux pour toi. Mais là, le problème, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, ne pas perdre son temps devant des choses inutiles. والوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اكثر ما عليك يضيع. Normalement la chose qu'on est censé garder le plus c'est le temps. ولكن سبحان الله malheureusement c'est la chose qu'on perd le plus. وهذا حق. C'est la chose qu'on perd le plus. هذا c'est dommage. كل يوم يمر ياخذ بعضي يورث القلب حسره ثم يمضي. Le jour que tu passes il prend une partie de ta vie en fait. Et tous les jours tu te rapproches envers ta tombe. Et qu'est-ce que tu as? Une vide et l'autre pareil. Une main vide et l'autre. Une main vide et l'autre, il n'y a rien dedans. Kif kif. Donc profitez. Aïvan miel le meshakel, la kul le meshakel. Yann hadil wa sha'el, fi al khayr ou fi al shar. Wa qalilun alladhi yasta'milunahu fi al khayri da'iman. Wa huwa l'internet. Wa shila, mashallah. نسمع الشيوخ مباشرة الله أكبر كل الشروح تأتي عندك كل الكتب مفرغة الله أكبر لمن استغله ولكن الواقع يكذب هذا كثير من الإخوة ضياع وقت نبدأ بنفسي كثير من ضياع الوقت على الانترنت أحيانا بدون فائدة يا ليته استمع للأشرطة ويا ليته تصفح الفتاوى ولكن تمشي في ترهات وخزعبلات أحيانا ودائما تنتهي بيمشي مواقع الضحك او مواقع كذا مواقع كذا. الخير موجود ولكن على الانسان ان يكون عنده هدف. عندي هدف للانترنت هو وسيلة دعوية اذا اشتغله في الخير. اما ضياع الوقت في مسائل تافهة هذا والعياذ بالله من الخسران المبين. ولما اقول تافهة يعني مسائل خارج الدين حتى لا يفهم كلامي خطأ. تافهة أقصد خارج الدين. Donc, parmi aussi les choses qui empêchent, qui font une barrière entre toi et la da'wa avec ta famille, c'est le temps qu'on passe sur Internet. J'ai dit l'Internet, mashallah, c'est un bon moyen pour faire la da'wa. Allahu Akbar, la science qu'il y a dedans. Des chiouchs, tu peux les écouter en direct. Là que le problème, pas tout le monde qui s'en sert, convenablement, pas tout le monde, الحقيقة. Et quand je dis pas tout le monde, c'est déjà pas mal. Et une bonne partie. وقليل المهم. Donc, il y a un temps énorme qui passe. Tout ça, tu le regretteras en fait. Ton fils, le jour du jugement, il va dire il n'est pas resté avec moi, il ne m'a pas enseigné. Donc, craignez Allah Jalla wa Ala et préservez vos familles dans l'enfer, dans le châtiment, il est très dur. والعياذ بالله. أما بالنسبة للزوجة فقبل دعوة الزوجة على الإنسان أن يعلم أن دعوة الزوجة ليست كدعوة المرأة ليست كدعوة الرجل. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الشيء ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. دونك النبي صلى الله عليه وسلم يقول Je vous recommande de bien traiter les femmes, car la femme a été créée d'une côte, et la partie la plus tordue de la côte est sa partie supérieure. De ce fait, si tu veux le redresser, certainement tu as, je ne sais pas ce que j'ai écrit, à la côte tu vas la casser, le casser plutôt, voilà la casser, et si tu la laisses, elle restera tordue. Donc la femme, il faut bien se comporter avec la femme. Là, tu donnes un ton message, voilà ta façon de transmettre da'wa, elle est pareille envers tout le monde. C'est un khata. C'est un khalal dans la da'wa. Il lisait les kutubs qui parlent sur le manhaj. Dans la da'wa, tu trouves un chapitre, il dit l'ihtimam bi halat al mad'u. Il faut se rendre compte de l'état que celui que tu invites. Certaines personnes, il a la même façon de parler avec tout le monde. C'est un miskin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas la même façon qu'il avait envers Abu Sufyan radiallahu anhu et autres têtes de Quraysh qu'il avait avec certaines autres personnes. Donc c'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas que la da'wa envers sa femme, il ne faut pas que ce soit du même rythme de la da'wa que tu as eu envers tes frères ou envers tes fils. Ce n'est pas du tout pareil. La femme, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut aller doucement avec la femme. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف et comportez-vous convenablement vers elle. Donc, على الإنسان ألا يهمل دور المرأة. وكثير من الناس والعياذ بالله فيهم ظلم نحو النساء. والله العظيم. يقول أن والمرأة ناقصة دين وعقل ولا تصلح للدعوة. هذا من الخطأ ومن الجهل بمكان. لأنه لو تدبر سيرة السلف وربما الأنبياء وجد أن للمرأة دورا كبيرا في تربية الأجيال. والأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. Donc, si certaines personnes disent non, la femme, c'est tordu, elle peut pas être utile pour la da'wa. هذا ça se voit qu'il a pas compris منهج السلف. Il a pas compris même les histoires des prophètes. Il n'a pas compris ce que notre messager Mohammed alayhi salatu wa salam. Et quand tu lis les histoires de nos pieux prédécesseurs, tu trouves que la femme, elle avait bien un grand rôle. Ensuite, un exemple. Khadija radiallahu anha. Man awwal man azara da'wa. Hiya Khadija radiallahu anha. Qalat li nabi sallallahu alayhi wa sallam, wallahi la yukhzika Allahu abada. Ja'a yalta'id. زملوني دثروني قالت والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الكل وتكرم الضيف وتطعم المسكين. فنبي صلى الله عليه وسلم كان كلام خديجة كالماء البارد على قلبه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. Donc si on voit juste un exemple, خديجة رضي الله عنها c'est la première personne qui est rentrée dans la religion de Muhammad صلى الله عليه وسلم et c'est elle qui a soulagé notre messager عليه الصلاة والسلام. Il est descendu de la grotte, il avait peur. إن سننقع عليك قولا ثقيلا لا غير لا سوسي بفاشيل. النبي صلى الله عليه وسلم شكيك إلى السولاجي شفام خديجة. شيخ ابن باز في تعليقه على زاد المعاد قال هذا من علامة فقهها أو كلمة نحوها. شيخ ابن باز الذي سبخوف بيان كو سا سيونس لا سيونس دو سات فام رضي الله عنها إن بغول كي بخوش السلشي. رقعدي بيان لكومنتار دو شيخ ابن باز زاد المعاد. أيضا من معالم من المعالم أو من مظاهر دعوة المرأة هو أن الإنسان يذكر زوجته بالصلاة. هذا أيضا يغفل عليه كثير من الناس. يقوم لصلاة الفجر وكما قلت دائما أتحدث عن صلاة الفجر لأن أصعب الحقيقة صلاة لا سيما في هذا الوقت. صلاة العشاء متأخرة وصلاة الصبح مبكرة فيصعب القيام. فكثير من الناس يقوم يذهب للصلاة ويعود وينام ربما على نفس الفراش مع الزوجة ولا يذكرها بكلمة وهي في فترة تستطيع فيها الصلاة. ما نتحدث عن المرأة التي في فترة لا تجيز لها الصلاة، لا، نتحدث عن امرأة تصلي. سبحان الله، يأتي الرجل يدخل ينام ولا يذكر زوجته بصلاة الفجر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء. ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. من صلى البردين دخل الجنة، سبحان الله. بعد يقول الزوجة تصرفت معي مع بتصرف غير لائق، أو ربت أبنائي تربية غير صحيحة. سبحان الله، أنت أصلا ربيت زوجتك تربية غير صحيحة، كيفما كنتم يولى عليكم. إذا parmi les problèmes aussi, certaines personnes se réveillent pour salat al-fajr, la femme à côté, il va dans la mosquée, il n'y a pas de problème pour lui. Il y en a lui apparemment, il a compris la moitié du verset. Ou en fait, il s'arrête là. Il a oublié ahlikum, sa famille. Il va, il revient, il dort, il n'y a pas de problème, sa femme ne se réveille pas, elle fait faire salat peut-être à 10h. Il n'y a pas de souci pour lui. L'essentiel qu'elle lui fasse son sandwich avant de partir. Sah. Là, on doit pleurer le haqiqa. C'est courant, on voit. Là, je ne parle pas sur des gens qui sont loin du din. Je parle sur des gens qui prétendent sur le haq. C'est un conseil. Ce ne sert à rien qu'on se jette les fleurs. Masha'Allah, akhi, baraka. Si je t'aime, je te fais un conseil. C'est le haqiqa. Et la da'wa, il faut qu'elle soit ciblée sur les manques, sur les choses qu'on n'a pas. Mais parler sur des choses acquises, ça, c'est pas dur. C'est pour ça que certains frères, ils aiment bien quand on parle de sunnah ou le bid'ah. Là, que ça les tue quand tu parles du comportement, quand tu parles de manhaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'akhlaq, quand tu parles de manhaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment ils craignaient le jour du jugement, ça, ils n'aiment pas du tout. Alayhi, les anna, ça l'attaque en personne. C'est justement, ils vont mieux pleurer là et être contents plus tard que ce soit le contraire, wal'ayyadu billah. Donc, il faut réveiller sa femme. Hada da'wa ila Allah. Tu préserves ta famille. Et tout le monde connaît hadith al-Bukhari, hadith Samur ibn Jundub radiyallahu anhu, sahih al-Bukhari, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'a fi al-qabr insan yurzakh ra'sahu al-'iyadu billahi bi hajara. Limadha? Li'annahu la yaqum salat al-fajr. Tout le monde connaît hadith al-Bukhari. L'homme qu'on casse sa tête wal'iyadu billah dans sa tombe, alash? Pourquoi? Je réveille pas pour salat al-maktoub. Il dort. Et généralement salat al-maktouba, c'est la prière du fajr qu'on a du mal à faire. Et je parle vice versa, yani, certaines femmes, elles se réveillent, si elles réveillent le mari, qu'est-ce qu'il dit? Laisse-moi tranquille, voilà. Et après, il part la journée, il va prêcher aux gens de da'wa. Hada miskin. Hada khalal, il y a un problème dans son manhaj, il faut qu'il révise ses comptes. Min al-asbab, aïdan, an al-insan yudarrib al-zawj ala talab al-ilm. Labud. لا تكون أناني، هو يتعلم، يحضر الدروس، يطلب العلم، ولا يشرك زوجته أو لا يجعل زوجته تشاركه في العلم أو في الخير عموما. Parmi les problèmes aussi, le fait de habituer sa femme à apprendre la science. Mais il y a certaines personnes, subhanallah, ils sont très égoïstes. Lui, il aime bien apprendre. Il aime la science. Mais, subhanallah, sa femme, il transmet pas l'amour de cette science à sa femme. Au contraire, si ta femme, elle apprend la science, tu pars à ton travail tranquille. Tu as laissé une femme qui éduque tes fils. Ça, c'est bonheur total, la haqiqa. Et on voit le cas contraire. C'est pour ça que certaines personnes, dès qu'ils s'absentent un petit peu, il a le souci des enfants. Alash, il sait que sa femme, elle va peut-être leur dire sortez et elle reste sur la télé. Donc il faut que la femme participe. Par exemple, tu dis aux zawjatik, مثلاً ابحثي لي عن احكام العقيقة من الأوطار. مثلاً, il peut dire à sa femme cherche-moi le sujet. Toi par exemple tu fais des cours. ولا تأين عقيقة dans pas longtemps. Et t'as pas le temps. Pourquoi ne pas faire participer sa femme? Tu dis cherche-moi par exemple احكام العقيقة. Donc par exemple, Nail al-Awtar, Bulugh al-Maram, Umdat al-Ahkam, ainsi de suite. Pourquoi ne pas faire ça? Il n'y a pas dans Umdat al-Ahkam. Pourquoi ne pas faire ça? هذا من الخلل. مثلا الانسان يقول من زوجتي فرغي لي الشريط الفلاني. Une cassette, j'ai pas le temps pour l'écrire, c'est la femme qui écrit. C'est la femme qui fait un résumé. Rappelle ta femme qu'elle lise un peu de Coran. D'accord, elle est prise par le travail de la maison. Il ne faut pas négliger ça, ça aussi c'est énorme ce qu'elle fait. Mais il faut lui laisser le minimum de temps pour qu'elle profite aussi. البخاري رحمه الله بوب في الصحيح في كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله. البخاري لبيان سيتان شابيتر كي سابيل شابيتر لوم إل أنشين سا شارفونت أو كيلكو سورت إي سا فامي. البخاري انتيليجون إلا بيان سيتي سا سو شابيتر لأن إي سي تري بيان كو سا سي تري إمبورتون. حفصة بنت شيرين أخت محمد بن شيرين الإمام المعروف من أئمة السلف رضي الله عنه ورحمه الله قال كان ابن سيرين رحمه الله إذا أشكل عليه شيء من القراءة قال اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقع. شوف السلف ابن سيرين quand il avait un problème dans la lecture du Coran dans la lecture en général il dit allez voir ma sœur حفصة elle va vous montrer comment elle récite voilà comment réciter. Vous voyez ou pas? Donc Salaf ne négligeait pas le rôle de la femme. C'était sa sœur. Et elle avait bien une bonne position en tant qu'enseignante. Rahimahallah wa radhiya anha. أيضا من الأشياء المهمة التي يجب ألا تنسى دعوة المرأة لزوجها ولأبنائها. هذا أيضا مهم. يعني لو رأيتم تحدثنا عن دعوة الرجل مع أبنائه وتحدثنا عن دعوة الرجل لزوجته والآن سوف نذكر دعوة الزوجة لأبنائها. لأن الحقيقة والواقع أن من الذي يبقى في البيت مع الأولاد أكثر الغالب هي الزوجة لأن الأب يطلب الرزق. إذن أكثر إنسان أو أكثر واحد يبقى مع الأبناء هي الأم هي الزوجة هي المرأة. Donc il ne faut pas aussi négliger le rôle de la femme envers ses enfants. Elle reste plus de temps avec ses enfants. Donc elle a aussi un rôle important dans da'wa ila Allah envers sa famille, yani ses enfants. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال مسؤولة عن رعيتها. Il a dit qu'elle est responsable de sa famille. Dans le hadith d'Ibn Umar al-Sahihayn. Et quand je dis envers ses enfants, également le mari aussi. Ça aussi, il ne faut pas négliger. Parmi les exemples, لابد أن المرأة تذكر الزوج بتقوى الله. مثلا, لما الزوجة تخرج مع الرجل, أو لما الزوج لا يستيقظ لصلاة الفجر, هل على الزوجة أن تقول لا, أنا أخاف منه؟ لا. إذا كنت تحبين زوجك, فاعملي على إنقاذه من النار والعياذ بالله. لا بد على المرأة أن تنصح زوجها وأن لا تيأس, لأن ربما من النساء من ابتلين بأزواج غير صالحين والعياذ بالله. هل النتيجة نترك؟ لا. لماذا لا نجاهد على الدعوة؟ لماذا لا نجاهد؟ ولما جاء أبو طلحة لخطبة أم سليم أم أنس قالت له يعني ليس فيه عيب إلا أنه على غير الإسلام, فماذا فعل أبو طلحة؟ أسلم ثم تزوج. فقال الصحابة كان مهرها أكرم مهر. أم سليم لما أغدو أنس رضي الله عنهما أبو طلحة يزيانا دموندي شتي أنو كوني مي لي تي با أنكور مسلمان قال لي دي يا ريان أدير مي تي با مسلمان كيس كي لا في إي سي كونفيرتي إي لي دوفني لان دي كومبانيون إي ديز الصحابة La dot qu'elle avait Om Suleim, c'était la meilleure dot. C'est quoi? C'est l'islam qui est dans lequel il est rentré Abu Talha, radiyallahu an. أيضا من الأسباب لما تأتي وقت الصلاة أول إنسان ينصح لابد أن الزوجة تقول للزوج قم فصلي. الله تعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذا لابد على المرأة أن تنصح زوجها تقول وقت الصلاة حان اذهب فصلي. لما يأتي وقت الصلاة لا تقول أبناء طيب صلوا في آخر الوقت, لا تصلي الآن. لابد من الصلاة ثم تذكرهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc aussi, quand il y a l'heure de la prière, il ne faut pas que la femme, elle croise les bras. Elle dit, ils vont faire la salat. Ensuite, ils vont faire. Mais il faut faire la salat. C'est pas un jeu, la salat. Il y a une heure bien précise. Il y a la prière à la mosquée. L'homme, il peut oublier. Elle rappelle son mari. Elle dit, c'est l'heure de la salat. Vas-y. Il dit, j'ai envie de faire telle chose. Il dit, t'inquiète, c'est moi qui vais la faire. Sauf comment elle encourage son mari. نعم الزوجة هذه والله هذه الزوجة حقيقة ألا ألا فات celui fait pitié ولا de la peine de voir son mari ne pas faire salat لأن c'est grave من سمع النداء ولم يلبي فليس له صلاة إلا من عذر c'est pas facile de ne pas prier à la mosquée quand c'est accessible sauf avec excuse valable il faut que la femme elle fasse tout son maximum pour que son mari soit parmi les gens de la mosquée, ainsi que ses enfants, bien sûr. من قصص السلف أن عمرة امرأة ابن أبي محمد انتبهت ليلة وزوجها نائم في السحر يعني في آخر الليل فقالت له قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل وقوافر الصالحين سارت قدامنا أو قدامنا ونحن قد بقينا شوف السلف قتلة قامت في آخر الليل مش صلاة الفجر هذا القيام الليل قتلة قوم الليل خلاص كمل أقبل النهار و السفر بعيد جدا تقصد الطريق إلى الجنة والزاد قليل وقوافر الصالحين قد سبقت ونحن بقينا Est-ce réveillé la nuit? Elle dit à son mari, réveille-toi. La nuit, elle est partie. Il y a le jour qui arrive. Le voyage, il est très long. Et on n'a pas assez de bagages. Et comme on dit, les caravanes des pieux sont déjà partis largement avant nous et nous on est restés. Sauf subhanallah, il s'est réveillé tout de suite. Je m'étonne avec des paroles comme ça, tu ne peux pas ne pas te réveiller, la haqiqa. Sauf le salah, sauf le khayr. Une femme comme ça, c'est une perle, la haqiqa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. Il n'y a pas mieux qu'une femme pieuse, wallah. رزقنا الله وإياكم زوجة صالحة. أو أصلح أزواجنا لأن أخاك يسمى غيهب طيب أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وحسنه الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل يصلي وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء نخاف اليوم كل الناس تصب الماء في الله خير إن شاء الله فهمي على كل طيب طاك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يفاش ميزيريكورد أبوصي يا أخوة جستمون ما شاء الله يجمون أبوصي إن شاء الله شياد لابلاس Il faut peut-être même rentrer de l'autre. Il y a des places sur les côtés. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah il fasse miséricorde à un homme qui se réveille de la nuit. Il prie et il réveille sa femme. Si elle refuse, il va mettre de l'eau pour qu'elle se réveille. Et vice versa. Qu'Allah il fasse miséricorde à une femme qui se réveille la nuit et qui réveille son mari et s'il ne veut pas qu'elle mette de l'eau sur son visage. Faites attention à la colle. طيب. إذن الحقيقة حديث عظيم. لابد الإنسان أن يجاهد نفسه على هو قيام الليل وأن يقيم أهله. أيضا من الأمور المهمة أن الزوجة تذكر زوجها بالإخلاص. هذا مهم. لأن ربما من الأزواج من يعمل عندهش مشكل للعمل. ولكن عنده نقص في الإخلاص والعياذ بالله وهذا الرياء قل من يسلم منه، أخفى من الأمة من دبيب النمل. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل. فالزوجة عليها أن تذكر زوجها، تقول له أخلص دينك كما يقول السلف، أخلص دينك يكفيك القليل من العمل، لا تكن مرائي. تذكره بأحاديث الإخلاص، وتذكره بآيات الإخلاص، وأن الإنسان إن لم يكن خالص فلا يتعب. كما قلت هب أن الناس، أو كما قال أحد السلف، هب أن الناس مدحوك وأثنوا عليك وشكروك، فإن لم تكن كذلك فأنت والله سعلوك. لا تغتر بثناء الناس، فالله جل وعلا يعلم حقيقة أمرك، ويعلم ما تخفي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد تستطيع تكذب على الناس، ولكنك إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا سوف يميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب. لنبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال الفضيل هو أخلصه وأصوبه، لا يبقى من العمل إلا الخالص، أما الزبد فيذهب شفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نوكي فوكسا أفهم الغابل سوماري لسنسيريتي، هذا سي شوز تريز امبورتونت. ما شاء الله شي الغيفا أسيتي سوماري أفير دي زاكت، ما شاء الله هذا خير، ولكن أشي يفو باك لوبلي لا سانسيريتي طول الوقت. يفو كتا فام سوا داريغ توا ان تو رابيل الاخلاص، اتقي الله اللي يدي سوا سانسير دو سكو تو في ان لو رابيل لانتونسيون افون لاكت اي ابري لاكت افون دو بارتير باغ فار ان كور اللي يدي سوا سانسير كان تي روفيان اللي يدي احتسب الاجر من الله ايساي دو دوموندي لا ريكومبونس اوبري د الله لان لا ريكومبونس كو لي جون يدون ال دومور با سي كوا ان كومبليمون كي بار خلاص. وقد قيل كما في الحديث، ومن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. غش تمو لا ريكومبونس دي جون خلاص تي لورا، لكن لو جور دو جمون تو ريان والعياذ بالله. دونك لا فام يفو با كلوبلي سا. ام طلق من ائمه السلف كما ذكر ذلك سفيان بن عيينه رحمه الله قال: قالت ام طلق لطلق: ما احسن صوتك بالقران، فليته لا يكون عليك وبالا يوم القيامة، فبكى حتى أخشي عليه. سبحان الله، قالت لا الله أكبر صوتك جميل بالقرآن، ولكن قالت أخشى أن يكون وبالا عليك يوم القيامة. هي تشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. شفت ذكرت بالإخلاص ولا؟ فبكى حتى أخشي عليه، لم يستطع تحمل المقالة. هو كان صوته جميل شكرته ما شاء الله، ولكن في نفس الوقت ذكرته بالإخلاص. ليش؟ لبعد النظر عند السلف، بعد النظر سبحان الله، يعني لا يغترون بالدنيا كما قال علي بن طالب: غري غيري. نعم، إذا انطلق على دين فاشن فيش كل بلفوا تولا دون لا ريسيتاسيون دو قران، مي جيسبر كو سا سرا با كونتر توا لو جور دو جوجمون. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il ait tombé dans les pommes, comme on dit. Il n'a pas pu supporter la parole. Chouf al-haq. Elle a fait un compliment à son fils. Il a une belle voix. Elle ne veut pas dire le contraire, c'est une vérité. Mais le problème, si elle n'est pas sincère, il y aura quoi? Ce sera dans le feu, wal-a'yadu billah. Ça ne va pas durer. Aïdan min al-umour al-muhimma allati nakhtimu biha, inshallah. Da'watu al-mara'a ma'a al-nisa'. وهذا لا شك وسط طيب للدعوة، وميدان على النساء أن يشتى، يعني أن لا ينسينا هذا اللقاء مع النسوة الآخرين. يعني المرأة لا بد أن تستغل لقاءها مع أخواتها، كان أخواتها يعني في الحقيقة وأخواتها في الدين في الدعوة إلى الله، حتى تكون داعية إلى سبيل الله جل وعلا. لأن النساء يجتمعن كثيرا ربما، ولكن سبحان الله أحيانا قد تبدأ الجلسة بالدين لكن تنتهي بالغيبة والنميمة والعياذ بالله. تنتهي ربما، وهذا أيضا الرجال على حد سواء، لكن الغالب هذه الأشياء تصدر من النساء الحقيقة أكثر. فعلى الإنسان أو على المرأة ألا تضيع وقتها بذكر فلان أو علان، ولكن تحاول أن تجعل من اللقاءات الأخوية لقاءات دعوية، وهذا هو الفلاح لا شك. Il faut pas que la femme perde son temps quand elle est en rencontre avec ses sœurs. Il faut que tout le monde profite. Il faut qu'elle profite. Peut-être elle ne se voit pas beaucoup. Peut-être elle se voit fréquemment. Mais le problème, c'est que quand on se voit, il faut profiter. Et tout à l'heure, on a parlé du temps. Aujourd'hui, tu peux rencontrer les frères. Peut-être le lendemain, tu n'auras pas la possibilité de les rencontrer. Donc, il ne faut pas que la femme, elle perde son temps quand il y a une occasion. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Deux choses dont les gens ils en profitent pas, c'est le temps et la santé. Donc il faut profiter. Si les femmes sont ensemble, il faut qu'elles orientent cette rencontre envers la da'wa ila Allah. Entre sœurs bien sûr. يعني, et comme j'ai dit, ne pas perdre son temps à parler. لأن si on connaît les dangers de la médisance et de la calomnie et des mensonges, wallahi, on va s'abstenir de dire pas mal de choses. Wal ayat wal ahadith sont très nombreux pour ce sujet-là. Walakin, peut-être un jour, inchallah, un frère, il fera un cours sur ça. Hala, c'est très important. Pour les hommes et pour les femmes, bien sûr. Ne pas manger la chair des frères quand ils sont absents. Ya'ni al-ghiba wal ayyadu billah. وكان أبو بكر الصديق وهو من هو صديق الأمة وخير الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر disait, il prenait sa langue, il dit c'est celui-là qui m'a ramené يعني dans les fosses en quelque sorte, dans les péchés. C'est ça, هذا أبو بكر الصديق véridique رضي الله عنه. ابن مسعود يقول ما شيء على الأرض أطول أو أحق بطول السجن من لسان. La chose qu'il faut prisonnier le plus, c'est sa langue. ومن السلف من قال من أراد أو لو كان الإنسان يشتري الكاغذ للحفظة الكرام البررة لسكت عن كثير من الكلام. Si on achète le papier pour les anges qui écrivent ce que tu dis, والله on aurait dit largement moins de choses. La question est gratuite. Si on achète le papier pour qu'il note, ce ne sera pas pareil, c'est sûr. Et lisez les livres qui parlent de ça. Le Shafi'i, rahimahullah, dit « Ihdhar lisanaka ayyuha al-insanu, la yaldaghannaka innahu thu'banu. » Sah, wallahi, c'est comme un serpent, la langue. Soit tu l'orientes, c'est dhikr Allah, soit elle sera contre toi, wal-ayyadu billah. نبه الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى في شريطكم داعيا على نقطة مهمة. قال لا ينبغي أن يكون ميدان الدعوة منحصرا بين النساء الصالحات، بل الأمر واسع ومن أراد الله هدايته فسيهديه إلى صراط مستقيم. والله تجيب مش بسوي مجنون أقول يا إن فام كي مالاد أكوتي الشخص ماري في إن فام دو كولور كي شخص ماري et apparemment elle arrive pas à parler donc je sais pas comment on va savoir c'est qui le mari. Je sais pas يعني si certains frères ils savent que leur femme peut-être elle est malade ou je sais pas, elle a un problème de ruqya apparemment. C'est un problème de ruqya. Je ne sais pas, les frères. Khair, inshallah. Shafa'a Allah. Donc, Salah al-Sheikh, on va finir par ça, inshallah. Salah al-Sheikh, hafidhahullah, il a bien parlé d'un point très important, qu'il ne faut pas que la da'wa entre femmes soit ciblée sur les sœurs, en quelque sorte, multazimat, yani qui sont dans le dîn. Là, faut avoir pitié envers ses sœurs aussi. Il ne faut pas que les femmes elles oublient les filles qui ne sont pas dans le djinn. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. Allah Ta'ala dit, vous étiez ainsi auparavant. Jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala vous a accordé sa grâce. Il ne faut pas oublier, on était comment avant. C'est un point très important. Il y en a certaines sœurs, subhanallah, quand elles se réunissent, il n'y a que pure. Il n'y a aucune fille qui peut rentrer. Là, pourquoi pas, yahi. Pourquoi yani, il faut avoir la pitié envers ces gens-là. Nous, on était pareil. Jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala nous a accordé sa grâce, donc le temps de faire profiter ses sœurs. Donc il ne faut pas que la da'wa entre femmes soit restreinte, subhanallah. Soit restreinte entre sœurs qui connaissent une partie du haqq. Mais pourquoi ne pas faire participer des sœurs qui ont un niveau plus ou moins faible, mais qui certes, inshallah, dans leur cœur, il y a un certain bien, et on le voit parfois. Et on voit parfois certaines sœurs. Elles ne sont pas dans le dîn, mais que subhanallah, quand elle voit une femme qui a le jilbab ou elle a un frère barbu, subhanallah, elle dit mashallah. Ça veut dire dans son cœur, elle a un bien. Donc il ne faut pas exclure justement ce genre de personnes. Il faut avoir pitié envers ses frères et envers ses sœurs. Wa nas'alullaha jalla wa ala an yaj'alani wa iyyakum min ad-du'ati ilayh wa an yarzuqana al-'ilma an-nafi' wa al-'amala as-salih wa an yuwaffiqana li da'wati ahlina وأقاربنا وإخواننا إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله خير.